and give. いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 Vous ne parlez pas japonais ? Pas de problème, c'est dans Cult and Geek. Ladies and gentlemen, welcome to Cult and Geek. Vous venez vous détendre ? Installez-vous et profitez avec Cult and Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'émission 14 de la saison 4 de Cult & Geek, qui est aussi la centième, et vous venez de vivre un voyage temporel avec 4 saisons d'affilée, en introduction. Alors cette semaine, pour la dernière émission de 2019, vous retrouverez autour de la table le retour, non pas du Jedi, mais bien du Antoine Daniel de Cult & Geek, il s'agit bien sûr de Yacine. Bonjour Yacine. Salut Rémi. Heureux de te retrouver d'ailleurs. De même. Dans la dernière émission, on a dit que t'étais enchaîné à ton travail. Ah mais c'était exactement ça, c'était le taf. Bon. Et là, ce week-end, je me suis dit, bon, vas-y, nique le travail, ça sert à rien, de toute manière. Avoir un salaire, c'est sûr. C'est sûr. À ses côtés, une demoiselle, elle a réussi à présenter sa sélection pour Cult & Geek Awards au pifomètre. C'est bien sûr Maëlys. Ouais, salut. Non mais c'est pas moi. Au début j'ai cru qu'elle allait parler de moi, mais son morceau de pain, elle était là. Attends. Bonjour. Un autre homme qui devrait normalement arriver, bien sûr, et qui sera autour de cette table. Il est censé faire des recherches de pépites du web, mais au final il fait ce qu'il veut d'après ses dires. Ce sera D-Wolf qui est bien sûr en retard. Et enfin, notre spécialiste nippon qui est nippon ni mauvaise, Renata. Bonjour Renata. J'avais encore jamais sorti celle-là, bonsoir Rémi. Oui, les jeux de mots faciles, je ne les fais pas dès la première émission. Et puis en attendant D-Wolf, on a un autre chroniqueur, un intérimaire. C'est bien sûr Renaud, puisque nous sommes au Toulouse eSport Concept. Bonjour Renaud. Salut. Merci de nous accueillir. Bah, avec plaisir, comme d'habitude. Encore une fois, effectivement, on est arrivé, on t'a pris une demi-heure de VR, une planche de charcuterie. Parfait, très bien, ça me va. Voilà, on est quand même de bons clients. De bons clients, ouais. C'est convivial, c'est ce que je voulais dire. Allez, on est parti, donc top départ de 7h pour cette centième émission de Cult & Geek avec le What the Fuck de Maëlys, l'instant nippon, le top ou flop, le moment Yacine, le retour, le que c'est, l'actu web de D-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, les Cult & Geek Awards, résultats et annonces de la finale, mais aussi idées de cadeaux pour Noël, on va en parler. Et si jamais vous ne les avez pas encore fait, ce sera quelques idées à suivre. Et il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, on commence l'heure comme d'habitude avec l'actualité des réseaux sociaux. L'émission 14 de la saison 4 de Cult & Geek, ça démarre tout de suite. Et un jingle qui a décidé de bugger, d'accord, très bien. La vengeance. Ça marche. Dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine, sur Twitter, ce mercredi sortait le tant attendu Star Wars 9, Rise of Skywalker. Et d'après l'avis des soi-disant fans, c'est nul, lol. Pour vous qui aimez l'univers et qui n'êtes pas fan, laissez-moi vous faire la traduction. Je l'ai kiffé, mais c'est mieux de critiquer. Pour ma part, je l'ai vu et je vous le conseille vraiment. Sur Twitter, encore ce jeudi, veille de diffusion du premier épisode de la série The Witcher, voilà que le nom de l'univers était en top tweet. Alors pour quelle raison ? Révélation, gronde, interview exclusive, extrait ? Non, simplement les gens qui se rappelaient que le lendemain sortait la série. Désormais, pour soulager votre mémoire, vous avez les anniversaires Facebook et les top tweets. Sur Facebook, cette fois, c'est vraiment Noël. Alors en cadeau, la majorité des pages recyclent les mêmes toute l'année. Car oui, le recyclage, c'est aussi l'un de ces thèmes de ce Noël. Pensez donc à recycler vos cadeaux qui ne vous plairont pas après Noël. C'est important. Et enfin, sur Twitch et nos diffuseurs, ce soir, c'est la centième émission de Cult & Geek. Alors 100 fois merci à tous ceux qui nous écoutent et que vous veniez de découvrir l'émission ce soir ou bien que vous nous suiviez depuis le début. Cette centième sera bien moins bien que cette 101ème. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec ce proverbe. Si on crée un nouveau navigateur, on l'appellerait sans doute Christophe Colomb. Cult & Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas ? Le vrai ou faux dans Cult & Geek. Le vrai ou faux, le premier jeu de cette émission. Et on est parti avec, bien sûr, je vous réexplique les règles. Si vous venez de découvrir l'émission, j'ai des affirmations. Vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce que tout le monde a compris ? Tu sais ce que je viens de réaliser ? Non. J'ai crié d'un coup, j'ai pas fait exprès. Je voulais passer devant tout le monde. C'est Noël ? Oui. Bah, allez-vous la musique ? Quelle musique ? La musique de Noël. Quelle musique ? Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais tu sais, c'est Madame Payette. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à Noël, Miley se transforme en mode paillettes, chocolat, licorne et arc-en-ciel. Elle aurait pu être un des personnages du film Le Grinch, tu sais, les petits bonhommes tout contents de fêter Noël. Oh non, ils sont trollés. Mais je pense qu'on a en plus ça. Allez, vrai ou faux, le compositeur John Williams, ayant notamment composé les musiques de Star Wars, regarde régulièrement les films pour une autocritique. La même réaction, tu sais. Faux. Faux pour toi, Yacine. Faux, tu la sors d'où, celle-là? Je pense que le mais on sait jamais d'où il les sort. Tellement hein. À chier qu'il a pas voulu tenter. J'ai pas dit qu'il regardait les 9. J'ai dit qu'il regarde les films. Ça peut être les 6 premiers, ça peut être les 3 premiers. Ah, mais tu veux dire qu'il regarde encore aujourd'hui Ah ouais. Il regarde régulièrement. Non, il regarde qu'un extrait, Fisher. Ouais, non, moi, je reste sur ma position. Ouais, moi je dirais que c'est faux quand même. Enfin... Faux aussi pour Renata, très bien. Moi je tente un vrai. Vrai pour Renaud. C'est jamais, il y a un petit côté maso chez les artistes. C'est sur un malentendu, ça peut passer. C'est ça. C'est pas faux. Maëlys ? Je vais dire que non, donc faux, parce que dans non, il y a NO et NO dans Noël. Ah ! Vas-y. Bah tu répondras non à toutes les questions alors. Ah non, c'est exceptionnel. Moi. T'es sûr que c'était de la limonade dans ta bouteille ? T'as plus le micro. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Si ? Ah, je t'entends plus. C'est parce que tu es sourde en plus. Allez, vrai ou faux, effectivement, c'est faux. Il n'en a jamais vu un seul de Star Wars, d'ailleurs. Voilà, il fallait que ce soit les deux opposés. Vous voyez, la magie de Noël, ça marche. Vrai ou faux, la franchise médiatique qui a rapporté le plus d'argent et de loin est celle de Star Wars. Alors, je vous rassure, après, j'arrête de parler de Star Wars. Attends. Elle a mon micro, elle a essayé de... Il a littéralement plus de micro. Direct. Ça veut dire que c'est un mensonge. Il a décidé de se casser. T'entends pas par franchise médiatique Avec toutes les adaptations en jeux vidéo, en films, oui, en séries, etc. Clairement. Celle de Star Wars est de loin celle qui a rapporté le plus d'argent. Pas trop dans les jeux. Non, c'est tout confondu. C'est tout confondu. Tout cumulé. Ouais, mais pour une fois, je sors mes connaissances parce que j'ai vu un documentaire là-dessus. Des gens ils font des documentaires sur Star Wars. Ouais, et moi je les regarde. Moi je dis que non parce que c'est Disney qui a fait plus. Non, parce que c'est Star Wars, ça appartient à qui ? Oui, non, mais je veux dire de façon générale en fait. Ah, merci. Renaud. Ah, c'est dur, je sais pas. Ah oui, non, je les ai corsés hein, pour cette dernière. Ouais, j'avoue, ouais. Parce que, ouais, c'est vrai que Star Wars c'est vachement connu, mais il y a. C'est pas du niveau de l'embouteillage de l'Everest, hein, vraiment. Ou de l'hôtel à 1€, hein, pareil. Ouais. On est à ce niveau-là. Tu comptes tout franchise, genre Pokémon, ça rentre dedans et tout. Tout. Ah, je sais pas, c'est dur. Je dirais faux. Faux, très bien. Pour toi, c'est laquelle du coup ? Aucune idée, mais je pense qu'il y en a d'autres, ouais. T'as dit faux toi aussi, Maëlys, hein ? Oui. Pour toi, c'est laquelle de licence du coup ? Je dirais pas. Tu diras pas ? Non. Très bien. Renata. Mais moi j'ai dit vraiment comme vrai monsieur. Aussi, aussi. On a répondu du tac au tac. Ouais. Eh bien c'est faux. C'est Pokémon qui est devant avec 50 milliards de dollars et Star Wars arrive derrière avec 42 milliards seulement. Putain, c'est pas loin. Ça aurait été pire si ça avait été 49. Vrai ou faux, en Finlande, la tradition pour Noël est que l'on regarde les épisodes de Donald Duck le 24 dans l'après-midi. J'ai cru que t'allais dire les épisodes de Star Wars. Et non, il avait dit qu'il arrêtait après. J'ai dit que j'arrêtais. La deuxième. Il est censé arrêter, ouais. Alors apparemment, sur le Twitch, il n'y a pas de son. Ah, c'est gênant. Clairement. Alors. Du coup, on a tous l'air intelligent depuis tout à l'heure. On parle, mais putain, on ne comprend pas. Rigole, et là... Peut-être qu'il y a du son, je sais pas. Inch'Allah, on verra dans un instant. Et pour ta question, moi, personnellement, je dirais vrai. Parce que ils sont chelous. Il a parlé quoi ? Des questions cheloues. En gros, en Finlande, ils sont chelous. Oui. Normalement, je crois qu'il y a du son, là. Je crois que c'est bon. Est-ce que c'est je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a du son. Il y a le patron, attention. Monitoring ? C'est pas dans le moment technique, dans Cult & Geek. Il y a un énorme lag. De quoi ? Entre c'est l'écran marrant. C'est le moment de faire des têtes à la con à la caméra maintenant. Donc Renaud pendant qu'il gère le problème de live. Oui, voilà. Bah, c'est bon, ça marche. Il y a quelqu'un qui dit Interlope aime Junior. Toi, bonjour Interlope Junior. Et du côté du live de Cult & Geek, il y a quelqu'un qui a parlé, mais j'ai mis l'ordinateur trop loin. Je vois. Ah, il disait pareil. Bon. La centième spéciale Sanson, toute l'émission. Je l'aime bien. Elle est pas mal, la centième spéciale Sanson. Heureusement que je s'en ai rendu compte maintenant. Bah écoute. Ça va être très marrant. Il vaut mieux au début. Bon, bah du coup, vous avez pas fait le voyage temporel. Salut. Ça sera retrouvé directement en podcast. Allons, on continue. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors. La Finlande et Donald Duck. Donald Duck, le 24 dans l'après-midi, vrai ou faux? Non. Au début, je pensais qu'il allait dire il regarde des épisodes de Donald Trump. Ouais, je Il n'y a pas d'épisode. Pourquoi pas? Ça peut être un rendez-vous. Maëlys, elle dit quoi? Elle dit faux. Non, parce qu'il me semble que c'est une baignade dans l'eau gelée, une histoire connerie comme ça. Baignade. Est-ce que c'est mieux? Genre, entre regarder des épisodes de Donald Duck. Ils sont refroidis là-haut. Ils sont refroidis. Pas plus de logique. Moi, je pars sur vrai. Je pense que c'est mortel de se baigner à la température. C'était vrai ou faux? Du coup, tu peux répéter la question, s'il te plaît. Bien sûr. En Finlande, la tradition pour Noël veut que l'on regarde des épisodes de Donald Duck le 24 dans l'après-midi. Je dirais faux parce que je vois pas le rapport. C'est vrai. Je sais pas, pour sortir toutes un les traditions truc comme n'ont ça, pas, n'ont c'est, pas de rapport, c'est grave malheureusement. Chelou pour que ce soit pas vrai, tu vois. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Pardon. Moi je vais dire vrai aussi. Vrai aussi. Je trouvais ça marrant. Et toi Rémi, tu dis quoi? Ben moi je dis vrai. Hein. Et pour la petite histoire, en fait, tous les quelques épisodes passent tous les ans le 24 à 15h pile et il y a environ la moitié du pays qui regarde et c'est ce juste avant d'aller au sauna. Voilà. Ah bah tu vois, il y avait une connerie. Il y avait un délire avec le sauna. Il y avait une baignade, ouais. Il y avait une idée de baignade, effectivement. Et je me suis raté parce que c'est froid. Pourquoi les Finlandais regardent Donald? C'est quoi le lien entre eux et... C'est la télé, je pense. C'est vraiment une programmation. À mon avis, ils se disent, tiens, on va regarder un canard avant de le bouffer ce soir, peut-être. C'est bien. Après, ça dépend. Est-ce qu'ils mangent du canard là-bas? Aucune idée. Alors là, j'ai pas creusé plus. Non mais tu vois. Après, nous, on a piqué le soir. Mais des fois, c'est juste par rapport aux heures de diffusion de la télé. Ouais. Et ça devient une habitude en fait par famille. Et... Oui, Yacine. Non, j'allais intervenir, mais je me suis dit non, c'est pas intéressant, arrête-toi. C'est pas intéressant. Arrête-toi. Ouais, j'aime beaucoup Yacine qui fait genre il va dire un truc, puis en fait non, je dis rien, et en fait il regarde la caméra quand il le dit, et vraiment à la télé. Vrai ou faux, Andy Serkis, qui a interprété notamment Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, était également co-réalisateur sur Le Seigneur des Anneaux. C'est pas une connerie du même genre que t'as. J'aime bien le mot connerie ce soir. Que tu as sorti la dernière fois. Non, machin était aussi co-réalisateur, mais sur un autre film. Non, je l'ai jamais sorti celle-là. Elle est compliquée celle-là. Le silence sur le plateau. Ouais, c'est on va dire ceux qui regardent le plateau. Il nous a posé une colle. Là. Co-réalisateur, putain, ouais. Ça serait compliqué quand même. Je sais qu'il a co-réalisé d'autres films dans lesquels il est apparu, mais Le Seigneur des Anneaux, ça remonte. Moi j'ai dit vrai. Hein. Toi t'as dit vrai? Ouais. Très bien. Ok, si elle dit vrai, je dis faux. Moi je dis faux aussi. Deux bonnes réponses, une fausse. Vous devriez me croire sur ce que j'ai dit. Je dis faux aussi, ouais. Je reste sur un faux sur toutes les. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment. Puisqu'il savait quelle vision avait Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux. Il a donc aidé à réaliser le film. Les trois films d'ailleurs. Incroyable. Vrai ou faux des réseaux sociaux? La semaine dernière, je vous avais posé cette question. Le chat à deux têtes ayant vécu le plus longtemps est mort 8 heures après sa naissance. Attends, on laisse Yacine répondre. Oui, Yacine répond. Pas là, je suis un peu choqué. Non, mais parce que je l'ai même pas vu passer sur Facebook celle-là. Non, c'est parce qu'en fait, je l'ai. Attends, je l'ai pas posté. Non, laissez-moi dire, d'accord. Je l'ai pas posté sur Facebook, ce vrai ou faux là, parce que la réponse a été donnée dans l'émission. Pourquoi il le dit? Ah, damn. Bah, je dirais vrai. Et toi? Tu dis vrai? Si mes souvenirs sont bons, je dirais vrai. Pour te raconter l'anecdote. Non, Renata, on n'en dit pas plus. Ah, d'accord, très bien. Bah, je vais dire vrai aussi alors. Très bien. Eh bien, c'est faux. Il a vécu 15 ans. Damn! À deux têtes? À deux têtes, exactement. Le chat avait deux têtes et il a quand même vécu 15 ans. Mais d'habitude. On a des preuves de ça ou c'est une légende urbaine? Bah, apparemment, il y a des preuves. Moi j'ai juste vu l'article, j'ai vérifié que c'était pas une fake news. Skip, crois-moi, il y a des crumbs, c'est... Maintenant la légende. Pour te raconter la dernière fois, genre Miley, elle répond, tu vois, quand il pose cette question, elle répond et elle dit « Non, je crois qu'il a 3 mois et tout. » Et lui, il dit « Non, pas le plus vieux. » Dans sa tête, ça fait « Merde. » Mais oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il a pris 3 secondes, il nous a regardé, il a fait « Putain. » Je me suis fait piéger. C'est ça. C'était pas fait exprès. C'est ça le pire. C'est toi tout seul. J'ai voulu te répondre. Allez, un vrai vaut mieux fermer sa gueule. Des réseaux sociaux pour cette semaine. Et donc, c'est pour la dernière semaine de 2019. Vrai ou faux, en une année et en temps cumulé de tous les joueurs, l'humanité passe plus d'1 million d'années à jouer au solitaire. Oh. Ah, solitaire. Ouais, tu l'attendais pas. On attendait autre chose. T'aurais dit Fortnite, ça aurait passé. T'aurais dit Tetris 99, je pense que ça serait passé. Mais oui, non, vrai, complètement vrai. L'administration, je te promets, ils font que ça. Ils ont rien d'autre à faire que de regarder jouer à solitaire. Écoute, quand tu te fais chier dans un bureau toute la journée et que t'as des gens qui te cassent les couilles pour des papiers, tu joues au solitaire et tu leur dis de patienter. Ah ouais, automatiquement. Là, après, là. G-Wolf vient d'entrer dans le tech. Tous les sports concept. Bravo G-Wolf. Oh, installe-toi en garde Renault le temps du jeu. Même peut-être pendant la polémique, on sait jamais. C'est très intéressant. Alors, moi, million d'années, c'est ça que t'as dit? Non. Plus d'un million d'années par an joué. Plus un million d'années par an. Moi je vous donne juste la moyenne d'une partie, c'est 20 minutes. Voilà. Tu peux répéter la question du coup maintenant qu'il y a Gigi? Bien sûr. Marc, 1 million, si tu divises par le nombre de. En une année, ouais. Et en temps cumulé de tous les joueurs, l'humanité passe plus d'un million d'années à jouer au solitaire. En un an. En un an. Et on est combien à avoir des PC? Beaucoup. Maintenant on est une majorité. On est beaucoup. Très, très grande majorité. Après, faut pas aussi prendre en compte que les PC, je pense. Moi, j'ai aussi sur téléphone. Ah oui. Il y a les tablettes. Bah, je dirais que non. Les tablettes aussi. Hein. Non. C'est pas un million. Deux millions. Peut-être. Peut-être. C'est un million trois. C'est peut-être plus. C'est peut-être moins. C'est peut-être vrai. Moi, je vais la rejoindre là-dessus. Je dirais faux aussi. Faux. Très bien. Ouais, moi, je dis vrai aussi. Vrai. Yes. Je me sens moins seul. Il a pas été assez vicieux. On a deux vrais, deux faux. G-Wolf, est-ce que tu as entendu la question? Vrai ou faux? Vrai. Vrai, très bien. On a trois vrais, deux faux. Et ce sera, bien, la réponse arrivera à la prochaine émission. Ah, terrible. C'est-à-dire en 2020. En 2020 déjà. C'est ça, exactement. En attendant, vous pourrez aller voter, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Eddie Wolf, tu viens d'arriver. On ne te laisse même pas le temps de t'installer correctement. On passe tout de suite au Cult & Geek Awards. Les résultats à la finale, mais aussi vos idées de cadeaux. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle. D'autres que Stargate dépasse Star Wars. Non ! On bat les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. La polémique de l'équipe, alors pas de polémique non plus aujourd'hui, pas d'invité, mais on va parler des Cult & Geek s'il vous plaît. Awards, puisque ça fait déjà deux semaines qu'on a lancé les Cult & Geek Awards, avec deux catégories cette année, puisque c'était la première année. La catégorie jeux vidéo et la catégorie films et séries. Alors moi je suis déçu parce que j'ai pas pu participer. Mais tu as pu voter sur les réseaux. Oui, j'ai voté par contre parce qu'il y avait des propositions aberrantes. Je me suis dit qu'est-ce que ça fout là ça. Vas-y, c'est-à-dire J'ai plus non, tête. On lui demande alors, pas son avis. Je pense que le Luigi's Mansion. Non, mais voilà, on demande pas son avis. Je sais pas ce qu'il fout là. Alors, ça tombe bien. Elle a sorti le premier résultat qui lui est venu à l'esprit. Je vous donne les résultats pour la finale catégorie jeux vidéo. J'ai gagné. D'accord. Elle oppose Luigi's Mansion 3 face à A Plague Tale Innocence, qui a réussi à remporter dans les deux sondages de Renata et de moi-même tous les votes. C'est fou! Parce que Plague Tale, il est pas mauvais, en plus, c'est un studio français, c'est une bonne révélation, oui. C'est quelque chose de neuf. Et d'ailleurs, je pense que si A Plague Tale Innocence gagne les Cult & Geek Awards, on invitera les créateurs du studio dans Cult & Geek. Ah, j'ai un truc à dire à propos des jeux que j'avais proposés. Si Luigi's Mansion gagne, on invitera des Japonais aussi. Si Luigi's Mansion 3 gagne, on balancera Mylis. Quoi? Mais non, s'il vous plaît. Je voulais juste dire que Skellboy, du coup, c'est juste parce qu'il est pas sorti. Il sort qu'en janvier 2020, il y a eu un retardement. D'accord. De plus d'un mois. Et du coup, ben, c'est injuste qu'il soit pas dans le top, parce qu'en plus je me suis raté, c'est pas 2019. Je pense que même je les cherche jeux peut-être qui sortent, des excuses pour avoir une petite chance de gagner. Même les jeux qui sortent en décembre, tu peux pas les compter, en soi t'as même pas le temps de vraiment apprécier le jeu jusqu'à la fin. Donc, alors, entre Luigi's Mansion 3 et A Plague Tale Innocence, vous votez pour qui? On fait déjà le vote de l'équipe. Luigi's Mansion. Plague Tale. Tu votes Plague Tale. C'est pas contre toi, le jeu n'est pas mauvais en soi, mais pour non, j'ai avoir compris, l'attribution je fais la gueule de jeu de l'année, à mes yeux, personnellement, il le vaut pas. Il le vaut pas, c'est ça, c'est un bon jeu familial, c'est tout ce que tu veux, c'est du Switch, c'est du bon vieux Switch, mais quand tu vas voir un Plague Tale avec la narration et le gameplay qu'il a, même s'il a des défauts quand même pas mal, ça reste quand même beaucoup plus intéressant en termes de jeux vidéo que Luigi's Mansion. Ouais, mais Nintendo est le plus fort. Plague Tale Innocence pour ma part aussi, donc ce sera pas à nous de voter, ce sera à nos auditeurs directement sur Facebook. Pourquoi Facebook? Non, on peut le mettre sur Twitter aussi celui-là d'ailleurs. Sur Instagram aussi. Sur Instagram aussi. Facebook, parce que t'as décidé. Exactement. Et on passe dans la catégorie films et séries. Alors, il y avait beaucoup plus de tops proposés. Il y a donc beaucoup plus de finalistes. Il y en a 4 au total. Le premier finaliste, c'est une série. C'est la série Tchernobyl. Proposée par monsieur. Proposée par Duwolf. Tchernobyl qui arrive donc en finale de la catégorie films et séries. Il est opposé à Désenchanté, proposé par Maëlys. Ils sont opposés également à Sans un bruit, proposé par Renata. Le film Netflix ? Oui. Non, si. Si, par Michael Bay. Okay. Mm. D'ailleurs, c'est le seul film de Michael Bay sans explosion, je crois. J'avoue. Il y a des feux d'artifice à un moment. Ah, merde. Bon, on l'a raté. Dommage. À la toute fin. Le dernier finaliste, c'est la série The Mandalorian. Qui est fini très bientôt d'ailleurs, la saison 1. Il y en a eu un de chaque en fait. C'est Rémi qui a proposé Mandalorian. Mais je suis sûr. Vous avez vu comment il a dit que c'est Mandalorian. Je suis au-dessus du peuple. Ça me paraît évident. Donc voilà, vous savez quels sont. Qu'il faut faire gagner Désenchanté. Ouais. Voilà, vous avez le choix. Tchernobyl, Désenchanté, Sans un bruit ou The Mandalorian. Là aussi, la finale arrive la semaine prochaine. Donc, pour qui vous allez voter, vous ? Attends, on a le choix qu'entre un des quatre, on peut pas faire genre demi-finale, puis finale. Non. Okay, un des quatre. Chaud. Faut Désenchanté. Je vous laisse répondre avant. Mais je n'aventure pas là-dedans. Mais en fait, c'est un des tops de chacun d'entre en fait, nous. Donc, c'est nous, on va voter pour notre top. Hein. Choisir. C'est moi qui suis la décision finale. Ah oui, vas-y, choisis-toi. Putain, c'est compliqué. Alors, The Mandalorian, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger, je ne voterai pas pour The Mandalorian. Même si, vu le nombre de mèmes incroyables qu'il y a sur Internet, ça doit être une pépite. Ouais. Voilà. Il est pas mal, franchement. Sans un bruit, était cool. J'ai apprécié le film, mais de là à dire que c'est le vainqueur de la catégorie, peut-être pas, c'est un bon film à voir, mais je ne dirais pas ça. Et c'est vraiment entre Tchernobyl et Désenchanté, mais je me suis tapé beaucoup plus de barres et j'ai passé un meilleur moment sur Désenchanté que Tchernobyl, donc ce sera Désenchanté pour moi. En même temps, si tu t'es tapé Tchernobyl, des barres sur Tchernobyl... je me suis tapé des barres sur Tchernobyl, sur certains moments, c'était marrant, tu vois. D'accord. Mais non, je veux dire, j'ai passé beaucoup plus de moments sympas et j'ai apprécié beaucoup plus Désenchanté que Tchernobyl. Ça me fait penser à moi cet après-midi qui rigolait devant Star Wars. J'ai pas fait exprès, mais c'était marrant. Voilà, Maëlys qui rigole devant Star Wars, c'est... Mais il jouait mal, c'était juste hilarant. Moi je rigole devant la ligne verte, alors bon... Eh ben voilà. Mais quel monstre. Non, et vous avez un humour un peu déplacé quand même. Surtout toi, Yacine. Moi je vais faire pire. Qui tu aurais voté, toi, entre Tchernobyl, Désenchanté, Sans un bruit et The Mandalorian ? Alors, je connais aucun des quatre, donc... comme ça s'est fait. Plouf, plouf. The Mandalorian. The Mandalorian. Tchernobyl. Écoutez les deux, là. Je suis pas très fan de Futurama. Autant les Simpsons, j'aime bien, autant Futurama, j'aime. Mais The Mandalorian, tu vois, c'est un bon produit. C'est du Star Wars en série, première série Star Wars, en live action. Moi, je trouve que ça fait un peu Netflix, hein, mais bon. Non, c'est sans Disney+. Sur Mandalorian, je te rejoins dans la vision. C'est une super bonne série, mais ça serait pas honnête de ma part de voter pour quelque chose que j'ai pas vu. Allez, je vote pour The Witcher, moi. Sans un bruit, c'est un film d'horreur, mais avec des gens qui réfléchissent à ce qu'ils font. Il y a de la logique derrière. Mais le titre me dit quelque chose, il n'y a pas eu genre... C'est un monde où il y a des créatures invisibles qui se déplacent grâce au bruit. Et du coup, il y a une famille qui essaye de survivre. Non mais, tu vois le début de l'émission de Cult & Geek ? C'est le film, sans son. C'est exactement ça. Et puis je suis arrivé. Et le côté le plus, on va dire, choquant quand on commence un peu à regarder, vraiment dans les premières minutes, on se rend compte que la mère, elle est tombée de nouveau enceinte. Alors qu'un tout petit bruit de rien du tout, ça peut les alerter et les faire venir. Ouais. Et du coup, qu'il tue la personne en question. Et du coup, elle va devoir accoucher dans ce chaos énorme. Un peu comme Bird Box. Un peu, mais dans une ambiance complètement différente. Okay, okay. Parce que c'est Michael Bay. C'est vrai que ça change. Je vote pour les 4. Non, non, t'as pas le droit. Comme ça c'est fait, hein, il est... Non, franchement, j'en sais rien, j'en ai vu aucun, du coup c'est compliqué de... Rien du tout. Ouais, je sais pas. Pile ou face. Bon. Très bien, eh ben, écoute, je suis pas très série en t'as plus. T'as une pièce enfin, à 4... C'est un film sans un bruit, non ? Oui. Oui. C'est le seul film de cette catégorie, d'ailleurs. Donc... Oui, mais c'est une série. Ça, c'est un bon argument. Désenchanté. Enfin, c'est un dessin animé, c'est pas un animé japonais, ouais, quoi. C'est, voilà, c'est différent. Film autre... d'animation, quoi. Voilà, série d'animation, ouais, c'est ça. Bah, vous savez quoi, les amis, avant de passer à la première musique et première pause dans cette émission, on va juste rapidement l'idée, un cadeau si vous en avez un cadeau pour Noël, un petit peu décalé ou pas du tout décalé. Dis-moi, moi, j'en ai un. T'es chaud, oui, tout à fait. Vas-y. Vas-y, un commence. Bitcoin, commence. Parce que ah, tu pourrais dire à ton il fils. Il a dit qu'on avait des cadeaux. Hein, c'est vrai, ah, on a des cadeaux. Ah. Maëlys, elle comprend tout de travers. Un peu, ouais. Ah si, si, il a dit qu'on avait des cadeaux. Carte cadeau du Toulouse eSport Concept aussi. Et donc un Bitcoin. Un Bitcoin pour pouvoir dire à ton fils, si tu attends suffisamment longtemps, tu pourras peut-être gagner 2 centimes. Oh. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, bah si, 2 centimes du coup. Si, ça a quand même un prix de 7 100 $, mais ça va. Ah oui, quand même. Très bien. Donc un Bitcoin pour G-Wolf, c'est ton idée cadeau. Ah, on est tous sur nos téléphones en train de chercher un cadeau décalé, ouais, tu vois, parce que là, bah, ça, j'ai rien compris. Non, moi, je l'ai déjà, mais je... Moi, j'ai déjà aussi. Vas-y, Maëlys, commence. Il y a trop de bruit. Des chaussettes personnalisées où, en fait, quand tu personnalises, c'est ta tête que tu mets dessus. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est génial. Chaussettes personnalisées, un digne Bitcoin. Digne de mon moment. Renata, j'en avais un cadeau, autre, sinon. Pas de cadeau? J'en aurais deux petits. On aurait deux petits. Oh, voilà, pour de toi, ce serait les baguettes sabre laser. Oui. Pour manger avec les sushis. Et l'autre, c'est, bon, bah, après, pour qui veut, des bouteilles de saké Kit Kat. D'accord. Goût Kit Kat. Pourquoi pas. Voilà, pour comment changer un peu, apparemment, c'est pas trop bon. Alors, le Kit Kat goût saké, c'est déjà pas très bon. Alors, le saké goût Kit Kat, voilà. Ça peut passer, je pense. Ah, c'est l'inverse. Et voilà. C'était d'accord. Juste ça, les deux. J'avais mon deuxième tout petit. Oui. C'est des chaussons maison, mais avec une loupiote devant, comme ça tu vois où tu marches. Ah oui, c'est génial. Voilà. Moi j'avais le même, mais en version sushi. Yacine. Alors moi j'ai écrit cadeau pourri sur Google. Ok. Je suis tombé sur deux trucs qui m'ont fait rire. Une pour ceux qui essaient d'arrêter de fumer, c'est une peluche cigarette, mais genre immense, qui fait genre 1 mètre. D'accord. Donc si vraiment t'es en manque, tu l'attrapes dans tes bras comme ça. C'est entre 15 et 25 euros au cas où. Hein. Et pour ceux qui essaient d'arrêter l'alcool, la bouteille, le cadenas pour bouteille de vin avec un code dessus. Comme ça, si par exemple t'as envie de faire chier quelqu'un, tu le fous le cadenas sur sa bouteille. T'as un code, personne ne peut l'utiliser. J'ai vu la même pour Nutella. Voilà. Donc si t'as une bouteille aussi qui est super chère à la maison et que t'as pas envie que tes gosses la prennent pour faire soirée de merde avec leurs potes, hop, le cadenas sur la bouteille, t'es réglé, c'est réglé. Effectivement, ça peut être très connaisseur. Pratique. Ah mais ça sent le vécu. Merci pour vos cadeaux. Et toi, qu'est-ce que tu nous... Bah, la carte cadeau du Toulouse eSport Concept, bien sûr. Vous venez, vous prenez des heures, vous les offrez à un ami. S'il est sur Toulouse, ça peut lui faire très plaisir. On peut les prendre sur internet ou pas? Non, faut venir. Ah. Bon, ben faut habiter sur Toulouse. Mais sinon, même si vous êtes de passage, eh ben, écoutez, ça fera toujours plaisir. Et voilà. Donc ça, c'est une bonne idée de cadeau, tout simplement. Allez, on fait une première pause en musique avant de passer au coup de cœur du web. Le moment Yacine, le retour, l'actu web de G-Wolf et le qu'est-ce que c'est. Et le premier son, c'est Allez-vous de Hornhound avec King. Pourquoi il y a des noms compliqués dans chaque musique, j'en sais rien. Allez, on revient tout de suite. It's a word you'll never notice when you're with me. Listen, what are words if I don't mean them? This isn't make-believe paradise. Can you imagine, baby, all the time, all the time? To be right now together. take the world head on together. Just you and me. Where you from? Doesn't matter at all to me. You're all I want in this world. But you see, I'm like the sun. Let me warm you up through the night from dusk till dawn. So come on over, we can go to paradise. Can you imagine, baby, all the time? All the time. Anywhere. Here to the stars. However far. Promise we can go. So do you know? It doesn't even matter where we go. We'll make this world our own. So listen close. Believe in me and I can make this world our own. Feed Kinning dans Cult & Geek et on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web alors que l'équipe est encore en train de se mettre d'accord. Qui parle de quoi? Vas-y, on se marche pas sur les pieds. T'inquiète, tout t'inquiète. Ça. C'est pour éviter tout incident comme il a pu y arriver dans le passé. Exactement. Oh, Yacine, oui. Justement, c'est toi qui commence. Mais pas le temps de boire mon vin, tu sais. Alors, mes deux coups de cœur, moi, ça a été deux coups de cœur un peu vidéo, on va dire. Le premier, c'est la vidéo de Mr. JD. Le gars, c'est pire qu'un Daniel, il en sort une tous les 6 mois à peu près. Ouais, un peu plus. Ouais, bon, mais pour ce qui est des analyses de pub ou les grosses vidéos, s'il en sort une, c'est 15 minutes. Sinon, là, c'était 45 minutes quand même, ça fait ouais. Du JD. Et c'était sur une critique des vidéos, des musiques de YouTubeurs. D'accord. Donc principalement celle de Thibaut InShape avec Juju Fitcat qui était assez marrant. Et parce qui qu'il ne l'a pas vraiment. Moi je l'ai pas vu cette musique. Attends, laquelle? Je l'ai. Alors, bon, je sais pas du tout si c'est sur la Saint-Valentin là, je crois. Non, c'est une autre polémique. Franchement, j'ai regardé la vidéo qu'elle avait faite Juju Fitcat là-dessus et. Alors, on va pas discuter il parce que ce n'est pas le sujet. Passer un extrait, je pense. Valentin, c'est ça, je retrouve mon corps. Non, mais ce qui est, on n'a pas l'image. Voilà, c'est ça. Gérer, c'est trop émouvant. Tu vas pas regretter. Bisous, prince charmant. Je vais dire au chauffeur qu'il la fasse tourner au moins 3 quarts d'heure le temps de tout gérer. Putain, là, bah, j'ai peur. Parfait, tu peux mettre pause là parce que dans cet extrait, donc par exemple, tu vois qu'il donne un billet de 5 euros au chauffeur de taxi en lui disant de la faire tourner 3 quarts d'heure. Donc déjà, d'après le JD, depuis quand un chauffeur de taxi te fait tourner 3 quarts d'heure avec 5 euros? Il y a plein de détails comme ça où il a massacré vraiment la musique du JD tout craché. Et après, il est parti aussi sur des musiques de... McFly, Carlito et Squeezie, celle des années 90, années 2000. Et la dernière, c'était une vidéo assez chelou qui avait été commandée à une youtubeuse par la mairie de Paris pour dissuader les gens de faire pipi dans la rue. D'ailleurs, ah, oui. c'était une collaboration avec aussi le youtubeur qui fait la musique Mirador. Donc ouais, je sais pas, moi je regarde pas ce genre de contenu sincèrement. Je découvre ça tout s'appelle le temps de la culture. Non, c'est voilà, c'est de la mauvaise culture pour moi. Tu veux laquelle d'extrait? Est-ce que tu veux McFly et Carlito? Est-ce que non, celle du pipi, c'est n'importe quoi. Très bien. J'ai même pas vu la vidéo de base. Faisons-nous plaisir avec ce bon son. Moi non plus. Surtout le clip qui est chelou. Et je respire la brise. J'ai envie de dormir. C'est atroce. Je suis. Voilà, t'as des passages où ils ont leur tête dans la cuvette des toilettes. Ils sont tous habillés en jaune, Paris, l'ambiance de la musique c'est du jaune. Merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. On dirait une musique d'école en fait. C'est ça, et ça a été commandé par la mairie de Paris, oui. Et le budget de la musique était de 6 500 €. Donc c'est pas énorme, énorme vu la qualité quand même du clip qui est bien réalisé. Il y a de bons décors, bonne tenue, etc. Mais est-ce qu'ils ont pleuré quand même ? Pour la musique, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf du tout, même la peau. Et après, je sais pas si tu veux passer un extrait de 90 versus 2000, même si elle est beaucoup plus connue que les autres. Oh oui. Allez, on va essayer. Le chômage, Johnny Depp. C'est génial. Avant le temps de chargement, la chimio, les sushis. C'était mieux après 90 versus 2000. Si on nous avait dit un jour qu'on deviendrait youtubeur, 90 versus 2000, on a laissé derrière nous toutes nos angoisses et nos peurs. On était jeunes et innocents, on est tout à nos parents. On était jeunes et pas très beaux, on se voyait en super-héros. Voilà, et la critique un peu derrière de JD, encore une fois, c'était à propos de déplacement de produits sur les produits laitiers, qu'on voit tout au long de la vidéo, qu'on remarque pas forcément parce que c'est pas vraiment mis en avant, mais quand tu fais attention aux détails, tu te rends compte qu'il y a une bonne... comment dire ? À un moment, t'as quand même les produits laitiers sont nos amis. Voilà, pour la vie, qui est répété en boucle, etc. Et donc là, ils critiquaient un peu les trucs des lobbies laitiers, mais c'est super intéressant le JD quand il critique quelque chose, pas juste pour cracher sur les musiques ou quoi. Oui, voilà. Voilà. Ça doit être plus intéressant que « Ah, ils font un placement de produits !» C'est ça. Mais en plus, c'est même pas mentionné qu'il y a un placement ni rien du tout. C'est vraiment fait sous la table. Ah si, c'est mentionné. Sur la vidéo, t'as le petite icône « Inclut une communication commerciale ». Ouais, bon. Ils sont obligés depuis deux ans, je crois. Ils sont obligés. Des fois, tu n'es pas obligé de le faire quand c'est pas quelque chose dont tu vas forcément parler. Donc là, on entend « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie », donc automatiquement, ils sont obligés de la mettre. Oui, mais si, par exemple, à la fin du clip, t'as aussi « Merci » à machin voilà. Qui a sponsorisé. Mais donc, si tu fais une vidéo où on te dit « mets un truc en avant dans ton décor comme une carte graphique ou quoi que tu vas placer quelque part dans ton décor, du moment que tu n'en parles pas, t'es pas obligé de mettre « Inclut une communication commerciale ». Et ça, c'est parce que ce n'est pas une communication, justement. Techniquement, non, mais le mec est payé pour mettre le produit en avant. Tu me diras, les streamers aussi, maintenant, ils ont des décors avec des marques et tout. Oui, voilà, mais là, c'est du sponsoring. G-Wolf, je te trouve bien loquace, donc ton coup de cœur. Ah oui, évidemment. Alors, le temps que je débloque mon téléphone, mais bon, comme je connais déjà mon texte par cœur, il n'y a pas de souci. Cette semaine, je me suis pris d'amour pour une série de films qui s'appelle Les Enquêtes du Département 5. Ce sont des films genre thriller, policier, ou qui mettent en scène un duo d'enquêteurs, Karl et Assad, qui trempent le plus souvent dans des affaires un peu glauques. Et ça se passe au Danemark, parce que ce sont des films danois. Et ne me regarde pas avec ses yeux si dubitatifs, même en VO, ça passe. Alors mais moi je maîtrisais le danois en deux mois parce que j'ai rien contre la VO avec des sous-titres hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc non, Wolf passe bientôt bilingue et peut-être même trilingue. On donc sait pas. En tout cas, ce sont le moment de Nippon, on aura le moment danois avec G-Wolf. Pas déconner. Allez, chaud. Donc département 5, c'est ça. Les enquêtes du département 5 et il y a à peu près il y a 5 films pour le moment, je crois, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps du coup en 2019. Comme quoi ça tombe bien. Les enquêtes du département 5, coup de cœur de G-Wolf, Maïlys, ton coup de cœur. Je suis en train de regretter de ne pas avoir envoyé une photo plus tôt. Bon, tant pis. Coup de cœur, qu'est-ce que je peux proposer ? Des baskets faites à partir de plastique récupéré dans la mer. La reine de l'emballage cadeau qui fait des paquets cadeaux en moins de 20 secondes. Alors, c'est pas une liste. Hein. Voilà, c'est pas les idées de cadeaux. En fait, il n'y avait rien de vraiment ouf. Alors, voilà. Alors moi, pour Noël, je voudrais... Et un top jeu de société qui a été fait sur Internet par Le Monde. Voilà. D'accord. Super. J'ai eu peur qu'à un moment elle fasse tomate, oignon, sopalin. Ouais, je vais ta liste de courses. Renata, ton coup de cœur. Moi, c'est une chaîne YouTube. Il s'appelle Parisian TV. C'est un Coréen qui vit à Paris depuis plusieurs années et qui en fait mélange dans ses vidéos la culture coréenne et la culture française. Et en fait, il fait un peu la passerelle entre les deux. Il a récemment couvert toutes les grèves, tout ce genre d'événements qu'il y a eu pour les présenter aux Coréens, on va dire, de manière simple et tout. Et il fait plusieurs choses comme ça, en fait. Il présente des choses banales comme des restaurants et des choses comme ça, tu vois. Mais à côté, il essaye aussi de... être une vraie fenêtre de la culture coréenne et de la culture française aussi. Il n'avait pas fait une vidéo de dégustation de produits français, alimentaires français avec des Coréens ou est-ce que je confonds avec une autre chaîne ? Parce que je me souviens avoir vu un mec dans le même style, mais je me suis sûr que c'était en Corée et je me dis c'est pas possible, regarde, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui? C'est le même genre, mais lui il est trop jeune. Mais il y en avait un dans le même style qui faisait manger du fromage, du saucisson, des trucs comme ça au coréen. C'était marrant de voir les réactions. Ah oui, mais ça c'est pas le même. Oui, je vois de qui tu veux parler, mais c'est pas le même. Lui pour le coup, il est seul. Il fait ses vidéos seul. Ton micro il a pas envie. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Moi, pas du tout. Et du coup, en fait, en fonction du public auquel il s'adresse, il switch de langue du coup en plein milieu de la vidéo, et il a toujours des sous-titres en plusieurs langues. D'accord. Pour justement essayer de vraiment incorporer un maximum de communautés, de nationalités. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa comme contenu, et ça fait découvrir des trucs de la part de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, tu vois. C'est pas un Coréen qui habite en Corée qui parle de la France, tu vois. D'accord. Voilà. Écoute. Voilà, on a les problèmes techniques qui arrivent avec le micro sans fil. Toujours avec une Tengi. Fallait pas le faire tomber. C'est lui qui est tombé tout seul, d'accord? Depuis tout à l'heure, je le tiens. Je réalise cette émission avec une seule main. J'en profite pour faire une petite digression sur le Twitch. Il y a Camicron qui vient de nous rejoindre. Merci à toi. Et d'ailleurs, qui a pris un deuxième mois d'abonnement au Tech. La chaîne Twitch du Tech. Donc voilà, Renaud, yes. Si tu entends ce message, sache que tu peux venir le remercier. Il arrive. Il est là. Et il y a aussi Bardlock qui est avec nous. Merci Camicron. Voilà, et il salue tout le monde, bien sûr, il a dit quand il est arrivé. Toujours le même problème de micro. Exactement, Camicron. Tu sais de quoi on parle. Quant à mon coup de cœur, moi, c'est un jeu de société. Ça s'appelle Star Wars à l'assaut de l'Empire. J'avais dit t'arrêter, Star Wars. Oui, mais alors, j'ai découvert cette semaine ce jeu de société, et franchement, c'est trop bien. Imaginez-vous un zombicide où il y a un joueur qui contrôle les zombies, et tous les autres, les héros. Et c'est à peu près le même principe. Il y a un joueur qui contrôle l'Empire et tous les autres, les héros. Et le but du joueur de l'Empire, c'est d'arrêter tous les autres joueurs. Et les autres, c'est de réussir leur mission. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent et super malin. Voilà, tout simplement. Et mon coup de cœur s'arrête là. Il y aura d'autres trucs sur Star Wars dans la mission ou... Non, je crois que c'est tout. C'est bon ? Ok. Je crois. Je suis pas sûr. Je vous promets rien. Vraiment, je vous promets rien. La prochaine fois, c'est le micro qui vole vers ta tronche. Eh bien, écoutez, Yacine, vu que tu es méchant, on va passer à l'ActuWeb. C'est avec toi, G-Wolf. Alors, je sais pas ce que tu es en train de faire sur ton téléphone. Mais t'es là, il y a le moment Yacine avant. Des choses mystérieuses. Le moment Yacine est toujours arrivé après. Je suis toujours prêt. Toujours prêt ? Oui. T'es sûr ? Bien sûr. Allez, l'ActuWeb, c'est avec toi. What the fuck jusqu'au So Cute, c'est l'actu web dans Culte and Geek. Allez, l'actu web, G-Wolf, on t'écoute. Alors, qui dit émission spéciale dit chronique spéciale. Les vacances commencent, Noël approche à grands pas et 2020 nous fait déjà des clins d'œil. La sentez-vous, cette magie qui prend possession de nous? Moi, pas trop. J'entends les doux bruits des protestations, les magnifiques cris de contestation dans la rue et les délicieuses sirènes qui rebondissent sur les murs de la ville. Il parle des gilets jaunes. Presque. Mais pour l'heure, mettons ça de côté, sinon le maléfique Rémi va encore vouloir vendre ma peau. Ce soir, j'aurais aimé vous parler de ma vie. On se serait installé, on se serait détendu et j'aurais partagé avec vous des moments de joie et de bonheur, comme cette fois où ce mec qui m'avait trollé une ranquette sur League of Legends s'est fait bannir. Ou encore, cette fois, durant mon adolescence, un après-midi, alors que je venais d'enchaîner 6 têtes d'affilée sur Team Fortress, j'ai entendu le chat vocal « Faut se méfier du snipe, il est bon !» De quoi donner du baume au cœur et faire monter en moi mon taux d'insolence pour répondre avec subtilité. C'est juste que vous êtes naze. Ah, de bons souvenirs, malheureusement je ne peux pas. Le maléfique Rémi a encore frappé et m'a donné un devoir à rendre. Je suis contraint de parler de Marvel, Netflix, Star Wars, DC, de manga, d'anime, de Pokémon. Me voilà enchaîné par mes obligations, forcé d'aller sur Twitter et de voir tous les spoils du dernier scan de One Piece, toutes les parodies sur Jujutsu Kaisen et surtout toutes les analyses réfléchies et si bien construites de ceux qui s'autoproclament grands critiques de séries à la sortie hier de The Witcher. Quelques minutes après la sortie, sans même, je suppose qu'ils aient terminé de regarder le dernier épisode, qu'ils affirment déjà sans vergogne que la série enterrera Game of Thrones. Et durant la nuit, c'est là que sortaient de leur terrier les chômeurs, ceux qui ont beaucoup de temps devant eux et qui ont déjà tout regardé. Twitter, donner la parole à tout le monde était-elle vraiment une bonne idée? Oh mince, voilà Rémi qui revient. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'as pas encore parlé de Star Wars? Attends, c'était une imitation là. Excusez-moi. Elle était pas mal. Le salaud. Et qu'est-ce que tu veux là? Pourquoi tu n'as pas encore parlé de Star Wars? Oui, pardon, mais je n'ai pas vu le film. Comment je fais? Je m'en fous de ça. Attention à toi, tu pourras passer de bénévole à esclave. Mais Rémi, c'est quoi la différence? C'est que c'est légal. Eh bien, me voilà parti sur Sens Critique pour aller voir ce que les gens pensent, ce que les gens en pensent du dernier Star Wars. Attends, t'es allé sur Sens Critique? Il a eu le temps de terminer. On a prouvé que ça veut rien dire. Hein. Je serais bien allé voir les vidéos de nos célèbres youtubeurs, mais avec le temps, je me rends compte que je préfère ne pas être influencé par cela. Je suis maintenant mon propre critique. Alors, voyons, ça donne quoi le dernier Star Wars? Je suppose que les gens ont... Oh, waouh! Ça s'est pas bien passé. 5,6? C'est pas dingue. Tu sais que potentiellement, si je l'avais mis dans mon top ou flop, là tu me le défonces. Laisse le terminer. Il y était. Chute, c'est ma chronique. Alors, retenez, 5,6. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rey n'a pas montré ses seins. Kylo Ren n'a pas encore. Non. Et Kylo Ren en a encore fait des tonnes. Leia a repris vie au centre de volcan en fusion. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi un score si bas? Je sens que je vais encore entendre. Ils n'ont pas respecté l'essence même de la série, c'est une honte. Parce que si on prend en compte les événements dans le livre de l'univers étendu et qu'on s'attache au fait que l'annexion de la planète Pangallion 6 par l'ancien peuple de Galarou et qu'on prend en compte le paragraphe 6 du tome 3 de la page 702, on se rend compte vite compte que l'histoire ne tient pas la route. C'est aberrant. C'est la ligne 40 d'ailleurs. Sûrement quelque chose du genre. Ai-je vraiment envie d'endurer ça plus longtemps? Je me le demande. Pour la 100e émission, ne pourrais-je pas faire comme bon me plaît, me libérer de mes chaînes, briser mes entraves et fracasser les murs qui me retiennent? C'est ma chronique. Je peux faire ce que je veux. Je pourrais ne rien dire, je pourrais faire un beat total, ou alors je pourrais décider d'en faire un chef-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi? Ce qui anime mes doigts chaque fois que je tape une lettre sur mon clavier. Qu'on s'en souvienne. Qu'on ne l'oublie pas. Alors, soyons tranquilles ce soir. Mangeons, buvons, non, faut que je le reprenne quand même. profitons simplement de l'instant qu'on passe ensemble. Un agréable moment où je vais délicatement me détendre dans mon fauteuil et vous remercier de m'avoir écouté. Merci G-Wolf qui nous a offert une superbe actu web. Comment on appelle ça, le fait de prendre le micro, le lâcher? Le drop, drop the mic. Il l'a fait limite, genre il a éteint et il a posé. Et... Ouais, mais alors. C'était beau. Comme il a, si c'était resté allumé, on l'aurait voulu. Comme il a le respect du matériel, tu vois, il l'a pas fait à 100%. Ça c'est bien. Il a compris le prix. Merci, G-Wolf. Toi, par contre, tu vas mourir. Merci beaucoup, G-Wolf, pour cette ActuWeb dernière de 2019. Et, par contre, je sais pas si tu vois, mais ton image, elle est en train de prendre cher. Hein. Ouais, c'est pas grave. Écoute, pourquoi je vis bien avec. Ah. Bah, je passe pour. Pourquoi? Après cette mise en scène, tu me demandes. Maître d'esclaves. J'ai regardé la télé en fait. Ah, ok. Bah, elle va bien son image, elle est colorée, il n'y a pas de bug. Je sais pas. Alors, on nous dit, on fait un petit point live Twitch actuellement sur le Twitch de Cult & Geek. On a fait un débat sur le fait de se faire spoiler, surprendre sur les œuvres vidéoludiques dans le prochain apéro. D'accord, on fait de la pub sur notre chat actuellement. J'aime beaucoup j'aime quand même ce sujet, honnêtement. Oui. Oui, effectivement, c'est un bon sujet. Et c'est donc dans le prochain apéro. Apéro, voilà, c'est okay. un podcast. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à y aller. C'est Azertov qui nous suit actuellement et il en parle beaucoup. Voilà. Merci. Merci G-Wolf, merci Azertov. De rien. Voilà. J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à faire sa pub. et on passe tout de suite au jeu et c'est toujours avec toi G-Wolf, c'est le Qu'est-ce que c'est ? Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. L'apéro original, c'est le terme, c'est le nom du podcast. Voilà. Okay. Merci à toi, Zertov, de l'avoir remis en entier dans le chat. Le qu'est-ce que c'est? Je vous explique les règles. Si ou non, j'avais mal commencé ce résumé. Donc, résumé de la pire façon qu'il soit, un œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. C'est le but de ce jeu et avec l'équipe, au maximum 3 indices, on doit réussir à trouver de quoi on parle. G-Wolf, c'est toi qui as fait le résumé ce soir. Tout à fait. Ah donc, avec l'équipe, on a le droit à 3 réponses uniquement et 3 indices. Vous pouvez vous aussi participer sur le chat pour trouver de quoi parle G-Wolf. On dirait un mauvais jeu de midi. Alors. Envoyez 3. Vous aussi, vous pouvez participer. 39,90. Alors, c'est ça, G-Wolf. C'est un mec. Oui. Il était en vacances avec ses frères et des amis. Et puis, ils sont morts. Le mec, en dernier, parce que bon, il a fait le mauvais choix. Mais entre le moment où il arrive en vacances... Garde le micro devant ta bouche. Pardon. Vraiment. Excuse-moi. Du coup, je disais... le mec est mort en dernier à cause d'une mauvaise décision. Et entre le moment où il arrive en vacances et le moment où il meurt, il y a un mec un peu creepy avec des tatouages, des armes à feu, de la chasse, des explosions, une femme qui aime bien faire du topless et des PNJ sacrément cons. Je sais. Moi aussi. Je sais. Oh, pour une fois, je sais. Indice oh là là. Numéro 1. Oui. Les Jamaïcains avaient raison. La plante verte soigne. Ouais, bah je oh sais. Oh, mais ouais, mais grave. Bon, on le dit en même temps. Allez. 1, 2, 3. Far Cry 3. Vous voulez entendre les autres indices? Vas-y. Les tatouages te rendent plus fort. D'accord. Et le dernier, c'est vraiment trop fun d'escalader des tours radio. Le mec, c'était trop ça. Mais il meurt et je me souvenais pas qu'on mourrait à la fin. Si tu fais le mauvais choix. Tu sais qu'elle vient sur toi et elle te plante. Attendez, il y en a peut-être qui n'ont pas joué à Far Cry 3. Tout le monde y a joué. Moi, j'ai jamais joué. Mais tu t'en fous, tu y joueras jamais. Mais sincèrement, je suis pas mort. Moi, à la fin, c'est pour ça. Je m'en souviens pas. Moi, j'ai joué à Far Cry et Far Cry 2, je me suis arrêté là. Moi, j'avais regardé des vidéos sur les différentes fins possibles parce que, pareil, je l'ai pas eu. Voilà. J'ai pas eu la curiosité à l'époque, à la sortie, j'étais pas trop Je crois que c'est quand tu choisis de rester avec. Ça va le spoil? Non, mais on. Personne ne comprendra à moins d'y avoir joué. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Le 1 et le 2. À Walking Dead. J'ai même pas. Ah ouais? Ouais, au début, j'ai pensé à ça. Ouais, moi aussi. C'est chelou. Mais Far Cry 2 reste quand même le meilleur. Le meilleur de tous les Far Cry. Oh, c'est le premier, le meilleur. C'est pas le sujet. On n'en parlera pas. Bah écoute, merci beaucoup, T-Wolf, pour ce qui est très rapide avec Renata et Yassine. Très bon choix, très bon choix. Yassine, t'as bien fait de revenir, tiens, si c'est pour niquer le jeu. Yes. Et justement, on continue avec toi puisque c'est le moment, Yassine. Mais de quoi va-t-il nous parler? À ce qui paraît, tu parles de moi. On va le savoir très vite, c'est le moment Yacine. Ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu ce jingle. Yacine, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Enchanté Yacine. Salut, moi c'est Yacine. Et il y a Williamis. Enchanté, moi c'est Renata. Oula, je vais m'étouffer. Williamis34 qui vient d'arriver sur le chat du Twitch du Tech. Voilà. Et qui nous dit bonjour à tous. Bon, salut à tous. Salut à toi aussi. Voilà. Et alors, donc moi j'ai parlé cette semaine de quel est le meilleur Far Cry entre le Far Cry et le Far Cry. Non, pas c'est du loin. Manque plus que ça, quand même. Pas du tout. Alors moi je voulais lancer deux petits débats, mais pas très long. On va faire rapidement l'avis de chacun entre les prochaines consoles qui arrivent à grands pas, hein, la nouvelle Xbox et pourquoi tu rigoles? Parce que tu as vu la tête de Rémi. T'as dit le mot débat, il a fait. Oh merde, damn, non, merde, ça va être très rapide, vraiment une réponse, on va dire, chacun. Entre donc la prochaine Xbox et la PS5. Je vais commencer. Vas-y, je t'accueille, y a pas de souci. Alors, moi, je suis vraiment PlayStation, mais en fonction de ce qu'ils ont révélé, en fonction de comment ils l'ont révélé, je trouve que Xbox, il s'est vraiment beaucoup mieux mis en avant. Et je suis beaucoup plus excitée à l'idée de l'exclu qu'il y a là. Hellblade 2. Ouais. Voilà. Plutôt que du jeu qu'ils ont annoncé sur PS5, dont je n'ai même pas retenu le nom. Hellblade n'est pas une exclue Xbox. C'est un jeu sur. Non, c'est pas une exclue. C'est pas une exclue. Ah ouais non, Hellblade 2 est disponible. J'ai joué au premier sur PS4. Ouais. Donc, d'accord. Oui, c'est en juste tout cas, ils l'ont annoncé par rapport à Xbox, donc avec le truc Xbox. Donc, oui, voilà. Oui, c'est le et test qui était, okay. PlayStation a plutôt choisi d'annoncer l'autre qui était un fantasy médiéval, je sais pas quoi. Alors, donc, du coup, pour le débat sur Far Cry, dans le chat, ils disent que le meilleur c'est Blood Dragon. Ouais, non, c'est un spin-off, ça compte pas. Ça compte pas. G-Wolf, je veux une Switch 2. Ok, tu es hors débat. Quoi ? Une Switch 2. Pourquoi une Switch 2 ? Tu voudrais faire quoi ? Genre, déjà, Nintendo n'a jamais fait un 2 à leur console. Pardon ? Si, la DS. La 2DS. La 2DS, c'était genre la 2D pour casser avec la 3D qui était sortie juste avant. Mais il y a un 2. Oui, mais non. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu une espèce de même concept de console qui a été repris et amélioré, à part la DS, parce que c'était vraiment des changements techniques au niveau de la console. Mais là, je vois pas ce que tu veux faire. À part de la VR, Nintendo VR. Tu peux apporter de meilleures performances, tu veux, ce genre de choses. Oui, mais voilà, c'est le concept que fait PlayStation et Xbox, mais Nintendo n'a jamais été porté sur l'idée de ressortir une console avec de meilleures perfs. C'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que leur jeu n'exige pas vraiment de meilleures perfs. Non, mais regarde la première version. Non, mais même la DS, c'est pas des meilleures performances, c'est juste des changements techniques sur la console. Et sur la façon de jouer. Regarde la première DS de base. Des trucs comme ça. Elle était moins bonne que la Lite. Elle avait les mêmes capacités. Et la première 3DS, elle était plus lente que la dernière 3DS. Ça, c'est des problèmes techniques. Mais ça, c'est parce qu'ils ont introduit la 3D. Qui a moins de problèmes manette que la Switch qui est sortie en 2017. Et c'était plus parce qu'ils ont introduit la 3D qu'ils ont changé de DS. Parce que les autres, elles n'avaient pas cette capacité-là. Ouais, au final, c'est sur console en général. Maëlys, Renata, tu as déjà parlé. Maëlys. Je change de nom. Qu'est-ce que je dois dire? que poursuivre les prochaines. Globalement, je suis plutôt. C'est ça, hein, la team où on est. Ouais, plus ou moins, ouais. Je suis plutôt Xbox parce qu'il y a eu Tomb Raider dessus. Et qu'il a défoncé la gueule sur à tout le monde. Sur le chat du Twitch de Cult & Geek, il y a 3DS, 3DS XL, 3DSi. Bim. Oui, alors... oui, mais c'est pas... Bon, ok. Ça dégage. C'est l'exception qui confirme la règle. Il faut parler dans son micro, Renata. Oui. DSi, pas 3DSi. Oui, mais voilà, on le rappelle, donc... on sait jamais, on fait de la radio, donc c'est principalement via le micro qu'on parle. Nous sommes des professionnels. Exactement. On fait passer à la maison. Deux teams Xbox, une team Nintendo, le chat. Ah, mais évidemment, je suis plus Nintendo. Alors, hein. Du chat. Si je regarde le chat actuellement, on a team PC, PS4, c'est nul. Ok, ah, c'est pas la question. Ils sont pas dans le débat. La question n'est pas là. Tu team PC aussi. Le prochain débat. On est tous team moi, je suis Nintendo soir, perso. Voilà. Rémi. Moi, je serais plus team PlayStation. J'ai vécu plus de trucs avec les exclus PlayStation que sur Xbox. Mais sur quoi tu joues en vrai? En vrai, je suis sur PC. Mais j'ai pris la PlayStation 4 pour toutes les exclus qui allaient arriver, notamment God of War, Horizon Zero Dawn et Jedi Fallen Order, parce que je préfère largement en fait la manette de la PlayStation que la manette de la Xbox. Ah. Et le menu aussi, je le trouve plus intuitif chez PlayStation que chez la Xbox. Ça, c'est vrai. Mais tu vas peut-être être déçu en termes de manette, parce que sur les concepts qui sont sortis, on a toujours une même manette de la PS4 avec des améliorations techniques, encore une fois, peut-être un écran tactile qui va arriver dessus. Oui, non, mais ça, moi, c'est... plus un pad, mais ils vont peut-être aussi changer la place de l'analogue gauche qui va devenir comme la manette d'Xbox. Ah, simplement parce que s'ils vont rajouter vraiment un écran tactile et qu'ils veulent le faire plus grand que le pad qu'on a aujourd'hui sur PS4, ils sont obligés de faire une manette plus grosse, donc ergonomiquement parlant, c'est plus intéressant d'avoir l'analogue sur la partie gauche de la manette, ouais, à la Xbox. En plus, je trouve là, quand même que les manettes de la PlayStation défoncent les poignets au bout de 6 heures de jeu. C'est ça. Alors que c'est la Xbox, beaucoup plus ergonomique qu'une manette d'Xbox. En termes de jouabilité, parce que tu as le pouce droit qui est éloigné pour une précision accrue, mais le pouce gauche qui est beaucoup plus à l'aise sur les mouvements que tu vas utiliser très souvent. Bah écoute, moi j'ai testé les deux manettes quand c'était encore la Xbox 360 et la PS3. Et, non, mais ils ont évolué là. Ah oui, non, mais ils ont évolué. J'ai pas réessayé la Xbox juste après. La manette de la PS3, c'était n'importe quoi, c'était un gros dégât. Bah je préférais la manette de PS3 que la manette de Xbox. Après, et c'était une habitude. Je suis resté sur cette manette là parce que c'est vrai que depuis, en gros, de ma première console à laquelle j'ai joué, c'était la Play 1. Oui. Donc je suis largement habitué à la manette. Donc tu choisis pour le cœur, quoi. C'est ça. C'est ça. Il a raison, ça reste quand même au cœur du même sujet. Même si j'ai eu fait la Xbox 360, tu vois, à un moment, malgré tous les jeux qui sont sortis, j'ai pas trouvé d'affinité plus que ça avec la Xbox et j'ai repris une Play. Dit-il alors qu'il voulait pas faire de polémique. Après, on parlait pas des nouvelles consoles, genre. Oui, mais. C'est plutôt entre l'aspirateur et la tour carrée, c'est ça? C'est ça. Mais c'est ça. Déjà, même en termes de physique de la console, de la tête qu'elle a, je suis beaucoup plus PS5. Et le gros avantage aussi de la PlayStation qu'on va avoir et qu'ils ont annoncé, et là je reviens un peu sur le point que tu avais dit, c'est que PlayStation a été beaucoup plus discret sur la manière dont ils ont présenté leur console, sur les informations qu'ils ont sorties. Et ça a toujours été un truc que Sony a, c'est qu'ils ne veulent pas donner d'informations avant la confirmation de la sortie et d'avoir quelque chose de concret entre les mains. Voilà, parce qu'on sait quand même que la date de la sortie de la PS5, c'est à la fin de l'année 2020. Oui, c'est sûr. Mais grosse erreur de Microsoft qui aurait pu annoncer la Xbox série X, voilà. Ils mettent des X partout maintenant. Oui, non, mais c'est ultra compliqué. Ils auraient pu l'annoncer à l'E3 quand Sony n'était pas là, puisque Sony n'était pas cette là, année. Là, ça aurait été ils un gros un coup de com. Et ils n'ont rien fait. Et pour moi, rien que sur ce point, ils ont merdé. Et comme Sony a annoncé la PS5 avant eux, du coup, avant leur nouvelle console à Microsoft, ils ont merdé totalement. Mais voilà, mais après, Sony s'en sort vainqueur. Après, sincèrement, il y a aussi des points où il faut aller chercher, il faut creuser en fait avec Sony. C'est des choses intéressantes pour les anciens détenteurs de PS3, PS4. C'est que d'après eux, on aura aussi une rétrocompatibilité totale. Ça, j'avais entendu. De la PS5 à la PS1, en passant donc par celles qui sont entre les deux. Et ça, c'est super intéressant vraiment pour ceux qui veulent retrouver un peu le old school sans avoir à payer l'abonnement PlayStation. Je sais pas si t'as remarqué, mais on en a perdu deux. Ouais, non, mais on en a perdu deux clairement. Mais en plus, le débat est très long, je suis pas sûr que tu puisses faire ton moment. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'était un peu le débat que je voulais lancer. Et puis je voulais dire que l'épisode 1 de The Witcher de la série Netflix est super cool. Vraiment, j'ai regardé le premier épisode, j'ai tellement kiffé, je me suis dit je vais garder le reste pour me le taper une seule fois. Après, je veux juste dire un truc, c'est pas parce que j'ai dit Xbox que moi je l'achèterais, tu vois. Moi j'achèterais pas d'Xbox, je suis PlayStation. Ouais. Mais je trouve que j'aime bien comment ils ont quand même fait la dernière présentation. J'ai juste vu la dernière. C'est sûr. Je pense que le mot de la fin, c'est que les PC, c'est de la merde. Vive les consoles. Attends, dis pas ça. Dis pas ça parce que dans le chat, c'est vraiment les c'est consoles. C'est ah, ah oui, non, mais moi, c'est complètement voulu, hein, le chat. C'est-à-dire sur les voilà, PC, quoi. Toi hein il se dit. Et les PC, c'est bien que pour faire chauffage et pour la VR. Allez, voilà. On rappelle. Et les Sims. On rappelle qu'on est au Toulouse Sims. Esport Concept. Si vous voulez venir choper Yacine, vous avez toujours le temps, puisqu'on va faire donne une pause en musique. Ah oui, l'adresse. Renaud, est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Pour la 20e fois, oui. Il ne pense bon, jamais alors, à la vraie. Si vous venez me casser la gueule, venez aussi jouer un peu au texte, c'est intéressant. En vrai, elle est marquée sur la carte. Ah, yes. Alors, c'est 9 rue Valentina Tereshkova. Putain, c'est super chiant à dire. Tereshkova, Toulouse, métro ligne B, Rangueil. Voilà, je vous attends. Venez faire une game au tech et me casser la gueule avec. Faut être russe pour venir en vrai. C'est ce qu'on appelle la haine, ça, effectivement. Bah écoute, merci Yacine. Oui, Renaud. Est-ce que vous savez qui est Valentina Tereshkova? Pas du tout. Une scientifique, j'imagine. Non. Non. C'est la première femme cosmonaute, je crois. D'accord. Ah ouais. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé, mais il me semble que c'est ça. Ouais. On va interroger Wikipédia. Je peux dire autre chose aussi. Je peux dire autre chose. C'est mon moment, calmez-vous. Oui, super. Bah, je vais dire autre chose. Le premier français à être allé dans l'espace s'appelait Jean-Loup Chrétien. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire comme ça juste avant? Il y a eu un chien peut-être aussi. Oui, effectivement. Il y a eu un burger aussi. Oui. Allez, on avance. Yacine, un dernier truc à rajouter avant la musique? C'est pas une voiture aussi qui vole en ce moment? D'accord, merci. Allez, Matt Dean et Monsieur B avec le titre Lonely. Et on revient juste après. We drank a little too much tonight. I know we might regret it. Not any more than letting another light slip out of our hands into the past. We're working too much and I know nobody asks, but I need this and you need this. We're too deep in the maze to make. Madine et Monsieur B avec le titre Lonely. Et quand vous parlez, si vous... Oui, voilà. Donc G-Wolf est aux toilettes. Voilà. J'essaye de le dire hors micro et pas trop fort. Non, alors ouais. Si tu veux le dire hors micro, tu vois, faut décaler ton micro. Tu essayes de, voilà. Non, tu essayes de protéger. Pêche, alors, entre Renata qui essaye de dire un truc, mais avec le micro à 3 km, et toi qui mais veux non. dire un truc hors micro avec le mais micro. Non, mais non, mais je te le disais à toi pour te corriger, toi, pas pour que les gens l'entendent. Pareil, comme ouais. elle, j'essayais de protéger votre intégrité. C'était Jean-Loup, quoi le nom de la musique? Pose une pêche plus vite, s'il te plaît. Donc voilà, Jean-Loup, si tu nous entends, dépêche-toi. Et on passe tout de suite au top ou flop. Allez. Top. Flop. Le top ou flop dans Culten Geek. Le top ou flop, je vous explique rapidement les règles. J'oppose de noms de films, de comics, de mangas, de séries, de jeux vidéo, de youtubeurs. Lequel est top, lequel est flop, c'est la question que je vous propose. Et vous me répondez selon une note de sens critique. Yes. On est parti, top départ. Lequel est top entre Six Underground et Transformers? Six Underground. Same. On n'avait pas dit vite. Il y a notre team PC sur le chat qui propose un fight Fortnite avec toi, Yassine. Mais non, mais Fortnite c'est pour les enfants et puis faut faire un vrai alors jeu. Alors qu'il y a joué pendant deux mois d'affilée. Je veux dire quelque chose s'arrêter. Du style et qu'il solitaire, pas, Pac-Man Tetris, tu vois, des vrais jeux, pas du Fortnite. Solitaire, ouais, pour alors, augmenter on a le chiffre. Transformers pour Azertov actuellement sur le chat de Cult and Geek. Alors on est au donc, top ou flop. Qu'est-ce qui est top entre Six Undergrounds et Transformers? On n'a plus besoin de présentateur. Qu'est-ce qui est top? C'est le même tout à l'heure qui me demandait si c'était la centième. Ah, ok, très bien. Maïlis? Attends, lequel de Transformers? Le premier. Ah. Non, je reste sur ça. Ils sont réalisés par Michael Bay d'ailleurs. Transformers. Too late. Transformers. Transformers aussi. Six Underground, Transformers. Attention, Transformers, ok. Transformers, ok. Je suis pas sûr. Bah, mais moi, vu. J'ai entendu en même temps que lui. Je t'ai pas entendu du coup. Six Underground. Très bien. Transformers 4,9, Six Underground 5,1. C'est Six Underground qui est top. Si bas. Lequel c'est la merde. Est flop? Le Prince des Dragons ou Princesse Résurrection? Ce sont deux animés. Tu veux pas mettre des trucs connais aucun des deux, je vais dire Princesse Résurrection, ça a l'air. Bah, moi j'aime beaucoup le nom. Il y en a un de Miyazaki? Non. Merde. Il y en a un sur Netflix, j'avoue, c'est le Prince des Dragons. J'avoue c'est que les le Prince des Dragons, ça fait kéké. Donc ouais. Je reviens sur mon choix, je vais dire le Prince des Dragons. En plus, s'il est sur Netflix, c'est que c'est de la merde. Mais animé, c'est animé, pas film d'animation. Est-ce que tu peux répéter les noms? Oui, Prince des Dragons qui est actuellement sur Netflix et Princesse Résurrection. Moi, je choisis lui parce qu'il est pas sur Netflix. Princesse Résurrection, ouais. Pareil. Très bien. T'as dit en flop. Le flop, hein. Tout à fait. Ah non, je vais dire l'autre. Non, je reste là-dessus. Moi, c'est Netflix, le flop. Ouais, voilà, Prince des Dragons pour les trois et J-Wolf qui reste sur Princesse Résurrection. Mm-hmm. Voilà. Très bien, moi. Renata, tu as répondu? Mais j'ai dit mais les trois. Mais tu fais exprès. Lequel est flop? La réponse, le Prince des Dragons est à 7,1. Ah merde. Princesse Résurrection, 5,5. C'est Princesse Résurrection qui est flop. Ah non. J'avais dit que c'est le prénom était nul. Enfin, le nom du film était... C'est pas grave, on est ex aequo. C'est en Netflix, hein. Oui, on a Netflix. Perdu. Ok. Lequel est top? Hades ou Diablo? J'aime bien le mot Hades. C'est deux jeux vidéo. Pardon. Diablo. C'est deux hack and slash. Diablo. Ouais. Quel est top? Bah, je vais dire Hades pour contrer. Non, ce serait trop facile. Hades. Ce serait trop facile. Hades. T'es sûr? Je ne sais pas quel jeu c'est, mais Hades. Pour l'instant, on a presque 100 fautes sur le chat de Cult and Geek. On t'entend plus quand vous tu tournes la fort. Tête contre Parle devant le micro, s'il te plaît. Pas deux kilomètres du micro. Mets ta grande tête devant. On est des professionnels. C'est ça. Donc, on mange le. C'était dégueulasse. Hades ou Diablo? Hades. Hades pour D-Wolf. Moi, je t'ai répété 4 fois Hades. Hades, oui. Pour Maïlis. Diablo. J'ai resté sur Diablo aussi. Et Diablo. Hades est noté à 8,1. Parce Diablo, non, il est cool. 7,6, c'est Hades qui est top. Putain, mais non c'est pas possible. Vous voyez, un nom cool fonctionne toujours. Écoutez, il suffit de rentrer dans sa tête. Et enfin, tu es chaman. D'après vous, entre ces adaptations de The Witcher, laquelle est top? The Witcher, les livres. The Witcher, les jeux de vie, les jeux vidéo. The Witcher, la série. Gwent ou le jeu de société The Witcher? Alors moi, j'ai une pote qui a regardé la série, donc je vais dire que c'est la série le top. Juste pour lui faire un petit coucou. Honnêtement, je pense que c'est le Gwent. D'accord. Le Gwent, très bien. La non, série, le jeu vidéo. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Pourquoi il est mort de rire? D'accord. Yacine, il faut choisir. Parce que le Gwent, c'est genre comme tu disais, ouais, Hearthstone, c'est 1000 fois mieux que Warcraft 3. Mais tu sais, il va chercher sur Sens Critique, hein, n'oublie pas. Oui, bon, c'est vrai que la commu de Sens Critique, c'est comme la commu de Cult and Geek, c'est l'enfer. Et ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est le retour du hater, quoi. Les livres, directs, les livres. Sans hésiter. Très bien. Il reste quoi, jeu vidéo? Le jeu de société. Jeu vidéo, jeu de société. Gwent, peut-être. Dis le Gwent. S'il te plaît, dis le Gwent. Je suis sûr que tu peux gagner en plus. Si tu veux, ça. Allez. Le Gwent. Allez. Alors, The Witcher, le jeu de société, est noté à 7,4. The Witcher, les jeux vidéo. Alors, j'ai fait une moyenne, hein, des jeux vidéo, donc c'est 7,9 au total. The Witcher, la série, 8,1. Je vous avais dit. Elle m'a dit que c'était cool et je lui fais confiance. Le Gwent. Le Gwent, 7,1. Je défonce encore. Désolé. The Witcher, des livres, 8,2. C'est The Witcher, les livres qui est top. Si, si. C'était prévu. J'avais confiance. C'est simple. C'était facile, tentation. Oui. Bah, je pensais que t'aurais choisi les jeux vidéo, tu vois. Non, parce que j'ai lu les livres. Et il est intelligent. Tu sais lire. Incroyable. Alors, c'est pas parce qu'on lit des livres qu'on est intelligent, mais... Les jeux vidéo de The Witcher sont excellents, mais ils ne suivent pas forcément l'histoire et la narration des livres est juste excellente. En même temps, les jeux vidéo, ça se passe après le livre. Ça se passe après le livre, mais il y a aussi des événements antérieurs au livre qui ne sont pas respectés. D'accord, très bien. Bah, merci de nous en apprendre un petit peu plus. Donc, du coup, voilà, si vous voulez ne pas lire les livres, il y a la série qui est sortie. Et puis, pendant ce temps, nous, l'instant Nippon, c'est avec toi, Renata. C'est l'instant Nippon dans Kulten Geek. Mais. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui ils vient de se passer. Ils vont lui faire un bisou. On s'est prêt à quizer très rapidement. Alors, de la part de Yacine, j'ai pas trop compris. Bon, G-Wolf, bah, il a non, pris, Yacine, il a pris la pause instant Nippon. Moi, c'est pour le quiz. Je voulais répondre le plus vite possible, donc je me suis approché pour lire les réponses. Allez, bah, on le fait tout de suite, alors, si tu veux. Après, je parle rapidement du Noël au Japon. C'est juste pour le petit côté culture. Est-ce que et ça vous... Top chrono. Vas-y. Le point culminant du Japon. Le Mont Fuji. Sakura, traduction fleur. Le cerisier. Très bien. Ouais. Yes. Très bien. Le quartier geek de Tokyo. Kyoto. Non. Non. C'est une autre ville, ça. Ça, c'est une autre ville aussi. Putain, je... C'est très connu. Commence par un A. Agake, Agaki, Akami. Aki. Akibastor. Akibara. Akihabara. Merde, très bien. Ça, c'est pas non mais c'était très proche, je l'accepte. Allez, l'avez dans le chat. C'est bien le chat, vous êtes plus intelligents. Oh, ils ont Google, hein. Ils n'ont pas eu le temps. Ouais, ils ont répondu avant nous quand même. Qu'est-ce que c'est que le kotatsu? Le kotatsu. Oui. C'est une table japonaise où tu te fous dessous et puis ça chauffe. C'est très bien, Maëlys. C'est très bien, Maëlys. La rentrée scolaire au Japon, c'est quand? C'est le. C'est en avril. Le, ouais. Very well, Rémi. C'est quoi le White Day? C'est le jour blanc. C'est le jour où tu t'habilles en blanc. Ouais. Et tu dois nettoyer toutes tes affaires. Tout. Non, c'est pas ça, tu l'as fait c'est pas le jour où tu te fous à poil et. Mais je croyais que c'était ça. Comme dans Désenchanté. Ouais. C'est un mois après la Saint-Valentin quand les garçons rendent des chocolats aux filles qui leur en ont offert. Ah, parce qu'au Japon, c'est les filles qui offrent les chocolats le 14, ouais. Non, et les garçons, ils les rendent le White Day, un mois après. C'est là que t'as personne qui t'offre des. Moi, j'attends toujours. C'est quoi le Pulikula? C'est du Coca-Cola, mais version japonaise. C'est du Pericola. Ils sont passés au péril non. Milieu. Je te promets, j'ai cru qu'il était sérieux. Tu peux répéter? Le Pulikula. Pellicule. Non. C'est une épice. Mais il y a une idée. Y a une c'est idée. Les films. Non. C'est les films. C'est une série. Non. C'est un manga. C'est le cinéma. C'est un photomaton japonais. J'en étais sûr. Eh oui, Pellicula. Comment on appelle une auberge typique japonaise? Il l'avait sur le chat encore, Azertov l'avait. Mais ils sont trop intelligents, il faudrait qu'ils viennent dans l'émission. Il y en a un qui cloche au public et l'autre qui envoie des fleurs. Il faut savoir trouver un milieu. C'est ça, faut toujours lancer des fleurs au public. Donc, bien sûr. Mais c'est... Violemment voilà. Et sur la gueule. Et que des roses. Et qu'avec des épines. Exactement. Allez, il reste deux questions les gars. Vas-y. Auberge typique japonaise. Ah putain. Auberge japonaise. C'est l'auberge espagnole. J'ai compris. Bon, celui-là, je m'attendais pas à ce que vous voyez. On l'aura pas. Ozen. Non, ça c'est un. Ozen. Je vais même pas répondre parce que tout le monde le sait. Arrêtez de lire le chat. C'est une Ryokan. Ryokan. Oui, okay. Et après, le train japonais grande vitesse? C'est le TGV. J'allais le dire. C'est le non, c'est le TGV. C'est pas des initiales, les gars. C'est le bullet to train. C'est attends, le super saiyan. Attends, tu vas bien aimer après quand je vais parler de Noël. C'est le Shinkansen. Mais et tu as lu le chat. Je l'ai vu lire le chat. Bon, bah le quiz est terminé et franchement, c'était pour une fois, c'était assez, cool. assez partagé, c'est bien. J'aime bien me regarder. Quand t'as dit bravo, c'est un putain de nom. Attends, comment tu crois qu'ils disent déjà Joyeux Noël? Merry Christmas. Bah oui. Ils disent vraiment ça. Merry Christmas. Voilà. Merry Christmas. C'est comme ça qu'ils le disent vraiment. Pourquoi ils ont piqué ça? Hein? Pourquoi ils l'ont piqué? Il y a des trucs. Mais ils ont plein. Mais ça, j'avais déjà dit une fois quand j'avais fait nos chroniques sur la. Tu n'étais pas encore vraiment dans l'émission. Sur la langue japonaise. Tu sais, t'étais cultivateur. Non, c'est là, elle, mais on s'en non, c'était pendant la saison 2. C'était pendant la saison 2. On s'en souvient. Du coup, j'avais dit qu'ils avaient emprunté énormément de mots à l'anglais quand les Anglais, ils n'ont pas vraiment colonisé, mais ils sont arrivés avec leur culture. Ils sont arrivés avec leur culture et ils les ont énormément influencés. Et il y a beaucoup trop de mots qui se ressemblent. Le baseball aujourd'hui, qui est le sport national du Japon aussi, qui est quelque chose de totalement emporté des Anglais. Non mais voilà, il y a vraiment une énorme influence de ce côté-là, notamment dans la langue, et de plus en plus maintenant avec la mondialisation et tout. Du coup, Noël, ça fait partie c'est une fête qui n'allait pas du tout là-bas en fait, et qui est arrivée avec notre culture. Et du coup, eux là-bas, ils se sont dit par exemple. Vu que nous on le fête pas en tant que fête, c'était pas un jour férié d'ailleurs là-bas le 25, juste le 24 ils se sont dit il faudrait quand même qu'on fasse un repas de fête. Et à l'époque ils se sont dit du poulet ou quelque chose comme ça, tu vois, genre du canard ou quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient comme chaîne de restauration là-bas qui proposait du poulet KFC entier? KFC. Du coup là-bas le KFC il voit ses chiffres d'affaires tripler, voire quadrupler le jour de Noël. En ce moment de KFC avec le bucket. Mais c'est incroyable. Là-bas tu manges du poulet frit, tu manges du poulet, tu manges KFC le jour de Noël, donc plutôt le 24 là-bas. Ah putain, je vais aller fêter Noël au Japon. Mais vraiment, hein, et là-bas ça s'appelle Kentucky. J'imagine, on mange un McDo le 25, nous. Franchement, je suis chaud. Venez, on va faire ça. Non. On m'ajoute une tranche de foie gras et c'est bon. Le jour où on mange pas McDo. Ni KFC. Enfin, voilà. Et là-bas, du coup, ils fêtent pas vraiment cette fête-là en famille. Vous avez raison, on ira manger Burger King. C'est pas bon non plus. C'est meilleur que McDo. Et du coup... Aucun fast food. Et du coup, c'est plutôt une fête, en fait, commercial/ pour les couples entre guillemets, donc on n'offre pas forcément des cadeaux entre même membres de la même famille, des fois entre collègues ça se fait mais c'est quand même rare, et voilà, c'est plus un jour où les couples fêtent leurs relations, etc., se s'offrent des cadeaux plus pour fêter leur amour que pour autre chose. C'est plus ou moins l'esprit de Noël moderne aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça. Ils le prennent comme une fête commerciale plus qu'autre chose, quoi. Pour les enfants quand même, ils ont beaucoup cette notion de Santa, parce que du coup là-bas ils l'appellent comme ça, Santa-san, et du coup ils reçoivent des cadeaux, mais c'est pas vraiment parce que Noël, parce que machin, parce que voilà. Question du chat, est-ce qu'ils vont un petit peu plus du coup au Love Hotel que les autres jours, le jour de Noël? J'imagine, enfin du moins de ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir en tant qu'article, effectivement ils soldent, on va dire, la journée de la fête de l'amour par des jambes en l'air. Dans un Love Hotel, plus précisément, genre pas chez eux, tu sais, il faut qu'ils aillent dans un endroit. Ils vous font jamais chez eux. C'est ce que j'ai pu lire. Après moi, j'ai pas vraiment vu de témoignages là-dessus, donc on peut dire que peut-être que oui, voilà. D'accord. Très rapidement. Bien. Est-ce qu'il se prend en photo? Non, il fait. Je fais un petit snap. Tranquille. Pour voir un peu. Donc voilà, c'est un peu ça la fête Noël là-bas. Donc je pense que la plupart des gens ne savent pas. Donc voilà, c'est juste pour présenter rapidement. Il y a pas de gros événements. Moi j'avoue, je pensais pas qu'ils faisaient Noël. Je trouvais que c'était vraiment pas pour eux, quoi. C'est pour ça. Ils le fêtent pas vraiment. C'est plus pour les gosses, des cadeaux et pour les couples. Sympa. Okay. C'est cool. Voilà. Merci Renata pour cet instant. Je vous en prie. On va passer tout de suite au What the fuck de la semaine. Et c'est avec, bien sûr, Maëlys. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine avec la modeste Maëlys. Alors je pense que le plus what the fuck déjà, c'est sa position sur la chaise. Ouais, effectivement. Elle est toute petite, c'est pour ça. Je suis souple, petite et assez fine pour faire tout ce que je veux. Ça fait un petit moment, Yacine, que tu n'es pas venue, mais Maëlys a désormais une tradition avec le what the fuck, c'est qu'elle l'illustre. Mais je le fais pas exprès, les gars. Notre casque à deux. À tout moment, elle peut se lever et illustrer le what the fuck, tu vois, donc tu peux vivre le what the fuck. D'ailleurs, tu as voulu lui voler la vedette, hein, du Wolf. C'était très drôle, mais. Ah bon? Ah oui, t'as imité. Ouais, avec tes imitations là. Ah oui, ça. Tu sais, oui. Celles qui sont ratées. Tu connais les procès de Rémi le Maléfique. On va prendre ça pour l'hommage. Maïs, le what the fuck. Allez, on t'écoute. Premier what the fuck, une madame exaspérée que son mari aille toujours au bar à l'extérieur avec ses amis le soir avant de rentrer a décidé de faire son propre bar à l'intérieur de son jardin. Maintenant, son mari va boire chez elle. Oh putain, génial. Ou chez lui, ça dépend la façon de voir avec ses potes. C'est génial. En Suisse, un adolescent qui a décidé de ramener son écran de télé et sa console dans le train. Au calme. Et il a joué dans le train. Night. Hein ? Aiko qui dit bonjour sur le chat, pardon, ça n'a aucun rapport. Bonjour. Salut. Il a ramené quoi sur sa console dans le train ? Sa voilà, télé pas écouté. Sa télé. Et le mec s'est fait une game de Fortnite au calme dans le train. Mais c'est la génial. Console et la télé et jouer. Bon, vraiment, c'était la PS. Ce que je me demande, c'est comment il a réussi à... Il y a des prises dans le train. Ouais, mais il a dû pomper tout le courant du train. Ah bah oui. À peu près. Je sais pas, ça a gêné personne apparemment, ils ont tous rigolé. Il y a un monsieur qui a décidé d'aller lui demander s'il pouvait jouer avec lui. Il l'a validé. C'est génial. Ensuite, j'ai une dame qui passait au mauvais endroit au mauvais moment et elle s'est fait kidnapper par la porte d'un garage. Quoi ? Elle s'est refermée derrière elle et elle est restée coincée dans le garage. Le plus marrant, c'est quand même qu'elle avait l'air complètement paumée. Elle savait pas quoi faire une fois dans le garage. Elle était là en train de regarder autour d'elle. Il y avait une caméra. The fuck, nigga ? T'imagines bien, il n'y a pas de bouton en plus. Mais ça doit être génial. T'imagines pas un seul instant qu'une porte de garage peut comme ça te dire « Allez, tu viens là, toi ». Ensuite, j'ai une photo d'un magasin qui a fait une grosse erreur. Vous voyez les pancartes, j'ai failli faire l'accent toulousain, les pancartes qu'on a en l'air dans le magasin et qui écrit le nom du rayon, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Bah, cette fois, on avait bébé surgelé. Au calme. Ils ont fait un petit loupé. Rayon préféré des ogres à cette période de Noël. La tendance 2019 pour les sapins de Noël, c'est un sapin entièrement rose. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Et les paillettes ? Non, y a pas de paillettes. Ils savent même pas ce que c'est, les vraies choses. Et c'est même pas à Toulouse, quoi. On a une dame qui a découvert l'infidélité de son mari grâce à Tinder. Ah, Tinder. Non. Messenger. Fortnite. Non. Un indice Messenger. Technologique. Sa montre connectée. Oui, sa montre connectée. Il y a eu un pic d'activité à 4h du matin alors que son mari aurait dû être rentré chez eux pour dormir et voilà, le pic d'activité semblait indiquer ce qu'il indiquait. Et alors pour la petite anecdote, pour comment elle l'a su techniquement qu'il y a eu un pic d'activité, c'est qu'elle avait relié sa montre et la sienne et qu'elle pouvait voir son rythme cardiaque à tout moment comme lui pouvait voir celui de sa compagne. Exact. Et donc, en regardant sa propre montre à elle, elle a vu qu'il y a eu un pic d'activité. Il est mais con. Peut-être qu'il a juste lancé un petit film coquin et puis ouais, c'est ouais, je me suis dit, moi aussi, mais là c'était un pic d'activité de 4 bonnes minutes hyper intense. Tu ne sais pas. Donc, il était rapide. C'est ça. Bon, on passe à la suite. On a le premier championnat au monde de paix qui s'est déroulé en octobre. Qui a gagné ? Yacine. Ah, je sais pas. Je te promets, j'allais dire j'aurais participé. Mais c'est pour ça qu'il j'aurais là. Tout défoncé, mon gars. Ça ou mon frère. Oui. D'accord. On a deux derniers trucs, mais le dernier, c'est pas vraiment un what the fuck, c'est juste excellent. Vous savez, la couette qu'on vous vole la nuit quand vous dormez en couple ? Ouais. Ouais. Ben là, c'est terminé. Il y a une couette qui est en forme de tube et qui tourne au fur et à mesure que le couple, le garçon, la fille, c'est pique génial. La couette. Le jour où t'as les deux qui tirent en même temps, ils finissent étranglés dans le lit. Dommage. Nous sommes là aujourd'hui, réunis. Ils sont morts sous la couette. Putain, ils ont baisé à mort. Non, c'était la couverture. Et mon dernier what the fuck, c'est une maman exaspérée de devoir rester en permanence à côté de son gamin parce qu'il pleurait. Dès qu'elle sortait de la pièce, a fait sa silhouette dans un carton. Elle l'a posé avec sa photo dessus, évidemment, sur le carton. Et depuis, ben, le bébé ne pleure plus. Et elle va dormir tranquille. Technique pour tous les parents qui écoutent potentiellement Cutting Geek. Mettez-le dans le congélateur. Pour en faire un surgelé comme le magasin. Meilleur et conseil. Après, aller dans le magasin. Meilleur conseil. Merci, Maïlis, du coup, pour tous ces what the fuck. Et pour, on l'a dit en début d'émission, c'est la 100e émission de Cult & Geek, toutes saisons confondues. Happy alors, non, l'émission ne s'arrête pas maintenant. Je vous ai réservé un petit jeu, puisque l'émission a quand même bien progressé entre la saison 1 et maintenant. Oh oui, putain. Et il y a eu plein de chroniques. Oui, avant, il n'y avait que des garçons. Exactement. Et il y a plein de chroniques qui sont passées. Le format de l'émission a changé. Là-bas, c'était une demi-heure. Enfin, on est passé une heure, maintenant on est à deux heures. Alors j'ai retrouvé pour vous les premiers jingles de la première saison de Cult & Geek. Mais non, vous devez retrouver à quelle rubrique correspond le jingle. Ça va être simple. Attention, on fait un facile. Normalement, Yacine, tu devrais le reconnaître. Idem pour toi, Renata. Ça me dit complètement quelque chose, mais putain, j'arrive pas à poser. La polémique. La polémique. Non, c'était pas la polémique. C'était le jeu. Attends, c'était un moment ultra important. C'était oui. En début d'émission, le c'était game le. Non, c'est non. Pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le Game Fighter. Ah, c'est pas le Game Fighter peut-être. Faut que tu me rappelles le nom des chroniques parce que je suis incapable de te ressortir le nom. Qu'est-ce qu'on avait à l'époque ? À l'époque, on avait un moment avec Yacine, c'était post-apo, flash post-apo. On avait des reportages, on avait le Game Fighter, on avait le What the Fuck de la semaine, il y est depuis le début d'ailleurs. Ah non, c'était les news web là, le. L'actu web. Non, c'est pas merde. Ça. C'est pas ça du tout. Eh ben on l'a pas, écoute, ça remonte à trop longtemps. C'est le premier jingle du What the Fuck de la semaine. Merde, voilà. C'était moi. Tain, c'était. Sachez-le. Mais c'est moi. Franchement, ça criait polémique. Le premier jingle. Wow. Ce jingle-là. C'est Mario qui rentre chez lui. Non. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Ah, celui-là, il me dit absolument rien. Un truc apocalyptique ? Non, non, pas du tout. Je l'avais pas dit correctement, pas du tout. Là, c'est G-Wolf, aucune proposition. Mais il n'en sait rien, lui. Le souci, c'est que je n'étais pas là. En fait. Ah, mais moi non plus. Et je n'ai pas écouté. Je n'existais pas encore. Il n'y a que ces deux-là. Tu peux proposer. Peuvent... L'instant de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était la polémique de l'équipe. La polémique putain, avec... on avait un bah, avant qu'on arrive, merde. Alors, ça avait changé. C'est Mario après, qui entre. Attention. Oh, ça me disait rien. Maintenant, ce jingle. C'était le moment de Stavo. Ça remonte à il y a 5 ans presque. Exactement. Alors, c'est ça. C'était le moment post-apo où on avait le moment ça, post-apo. Ça, c'est quand c'est l'heure de regarder la série. Bah, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait plus mon post-apo. Oui, non, c'était mais Yacine, moi. C'était déjà. Vraiment, ça, c'était vraiment le tout début de Culting Geek. C'est à peu près les 4 premières émissions. C'est ça, c'est les 4 premières émissions. C'était un petit concept qu'on avait que j'avais au début, mais qui est très vite parti pour remplacer ça parce que c'était chiant de préparer genre oui. des moments post-apo comme ça. Un truc. Oui, vas-y. On a quand même eu le regard désespéré de Gigi au moment où il a fait tomber son bout de panini. C'est tombé, il a fait. Tiens, j'y vois le sol est propre. Merci beaucoup. Parce que oui, le sol du tech est propre. N'hésitez pas à venir. Tout vous dit sport concept. Vous pouvez lécher le sol. Tu rappelles l'adresse ? Ah, alors, l'adresse du tech, c'est le 9 rue Valentina Tereshkova. Voilà. À Toulouse, métro ligne B, Rangueil. Merci. Seul c'est endroit où Valentina Tereshkova. Alors, à ce qui paraît, c'était la première cosmonaute, la première femme cosmonaute. Voilà. De l'histoire, exactement. Soviétique. Techniquement, un cosmonaute, c'est toujours soviétique. D'ailleurs, petit... Petite précision d'ailleurs sur le moment post-apo, tu donnais des conseils pour survivre en cas d'apocalypse. Oui, mais est-ce c'était qu'on peut ouf, en avoir un comme ça à chaud? Ah oui, non, mais on était parti sur un délire de scénario, d'histoire, ouais, avec des aventures, des gens qui survivent, des conseils de survie, des trucs comme ça. Et le thème changeait, genre une fois c'est un truc zombie, une fois une explosion nucléaire, des thèmes comme ça. Voilà. Et en 4 émissions, on a fait le tour. Et on a fait le tour parce c'est que trop après dommage, ça allait partir génial. Sur un peu une fanfiction récitée, mais 10 minutes où t'entends une histoire. Au bout d'un moment, soit ça t'intéresse, soit ça va te faire chier, tu vas couper l'émission en fait. Wow. Donc on s'est dit qu'on allait changer ça pour quelque la chose vraie de plus raison, général. C'est Yacine, il m'a dit oh j'en ai marre, ouais. Ça, je fais autre chose. En vrai, c'est tout ça. J'aime bien, il a bien confirmé. C'est bien. Allez, avant-dernier jingle. J'ai jamais entendu. Le moment nippon. Eh oui, c'est le moment nippon. À tout hasard, hein, vraiment. C'est l'instant nippon, effectivement. C'est le premier jingle de l'instant nippon. Putain, mais je m'en souviens. Bah, il est pas ouf. Il est pas trop mal, mais il est pas ouf. Et attention, lui, à mon avis, vous allez le reconnaître tout de suite. Introduction n'a de Kulteng Geek. Exactement, je l'ai dit avant. Ça commence. Exactement. Mais on l'a toujours. Oui, c'est bien sûr, mais il vient de le dire. Ça et c'est pour ça que je viens de l'envoyer, parce que c'est la fin de cette émission déjà. Et ouais. Merci de nous avoir suivis. Cette émission numéro 14 de la saison 4 est la 100e émission. Et si elle ne vous a pas plu, rassurez-vous, la 101e sera mieux. Et elle sera toujours d'ailleurs en direct depuis le Toulouse eSport Concept. Donc on se retrouve le 11 janvier prochain. En attendant, vous pourrez bien sûr retrouver le tech qui nous accueille ce soir sur Twitch, sur Discord. Également sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Et je rappelle l'adresse, c'est le 9 rue Valentina Tereshkova à Toulouse, métro ligne B, Rangueil. Merci Yacine. Venez nombreux. N'hésitez pas à y aller. Et manger par terre. Ils sont quand même fermés le 25 et 31. Le 24, 25, le 31, 25, 31 premier. Voilà, donc ne venez pas à cette date là, c'est con. Mais sinon, ils sont ouverts tout le temps. Et faites des cartes cadeaux. Super agréable, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, nous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, Insta, Twitch et Utip. Merci à nos diffuseurs qui sont trop nombreux pour être cités. On se retrouve le 11 janvier prochain, toujours sur Twitch. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.